Certains appellent ça le sommeil, d'autres appellent ça la mort. Coupé de grenade entre les chicots, fils roupi, t'inquiète, les agents veillent. Y'a que devant le tréau qu'on s'accroupit. C'est un putain de tir groupé, les MC au groupie, personne sera loupé. Certains appellent ça le sommeil, d'autres appellent ça la mort. Coupé de grenade entre les chicots, fils roupi, t'inquiète, les agents veillent. Y'a que devant le tréau qu'on s'accroupit. C'est un putain de tir groupé, les MC au groupie, personne sera loupé. On big up nos gosses, boss, tôt, méthode 9-5 en mode guerre, la prod est costaud. En mode guerre, stop le boss, c'était close, trop. Srap, c'est le mitard, ma vérité, riposte qu'on l'ose tôt. Fou de la charité, ils disent on cause trop de négro. J'suis né à la mort comme mon micro. Ils me brûlent les doigts comme l'argent de la drogue. J'suis l'argent dormant, coupable usuel dans la machine. Déformant le paysage audiovisuel. C'est l'anarchie, y'a du sang dans le bassin. Je prends soin des victimes, le diable recueille leurs assassins. Rage ultime, malsain, l'instinct mort. Pousse au suicide, Jacob est une bombe qui s'ignore. On trucide le son, c'est ça. Ils veulent qu'on soit de bon nègre. Spécuel CSA comme l'affaire Allègre. Y'a que le venin qu'on sait. On me fuit du blanc, la cam dans la bouche. J'écrase rien malgré les gorges. J'ai des studios sec, ma science déçue. Prends le risque, c'est l'enfer. J'suis un démon avec un contrat de disque. On contraste avec ton bise. Même à 10 contre 1, j'me fixe du blitz sous la contrainte. C'est arsenic, c'est le bon train. T'as pris, viens en train. Tapis dans l'ombre, l'équipe attend le déclic pour poser l'empreinte. Dans la combine, ça prend le fric sans le port d'euro. Tant pis s'il y a de l'hémoglobine sur les euros. Gros guerrier, oh. Ne filiez pas du Queens. Ton rap fait plier comme la Brinks. Classique, genre Cuban Links, amis, c'est R.O. Phone, machette, lyrics chargé à la NIT R.O. Un son boosté pour les Rix. Jim Vitro, on a la rage XXL issue des zones à risque. J'connais les ficelles du métier. Comme des pucelles, les MC stress. C'est comme si vous y étiez. J'chante les ghettos de France. Certains appellent ça le sommeil, d'autres appellent ça la mort. Coupé de grenade entre les chicots, fils roupi, t'inquiète, les agents veillent. Y'a que devant le tréau qu'on s'accroupit. C'est un putain de tir groupé, les MC au groupie, personne sera loupé. Certains appellent ça le sommeil, d'autres appellent ça la mort. Coupé de grenade entre les chicots, fils roupi, t'inquiète, les agents veillent. Y'a que devant le tréau qu'on s'accroupit. C'est un putain de tir groupé, les MC au groupie, personne sera loupé. Ton son lui refait la façade, j'en lifting. Putain, y'a un grand sourire, un rasoir en guise de bistouri. J'te brief, petit. Où courir, y'a nulle part. De la rime en cascade, nourri au graffiti. Au break, DJ rap, hip hop, perru, c'est 50-50. J'ai braqué le bise, on a trouvé le flingue et la perruque. Pour le beef, tire force les serrures du rap sans plus de poux. J'ai sur les doigts des résidus de poudre. Faut pas bicrave la fourrure de l'ours. Faut pas insulter la mère du gorille avant d'avoir quitté la brousse. Moi j'suis pas sûr d'aller au ciel et encore. Faudrait que j'me pointe une demi-heure avant que le diable apprenne ma mort. Si t'as un meilleur plan, mec j't'écoute, j'ai c'est rentable. Grailleur de mic, shoot l'écran, j'crève pour la vie parentale. Quand tu m'écoutes, quand la justice française s'occupera de mon cas, j'dirais que c'est la faute à Martin Scorsese. Et à la vodka, ton corps une chaise. Une corde, un coulant, cesse de suicide, j'suis le vocal. Terroriste des poules. À ton mariage, mec, sur moi tu peux compter. Je rugis un peu dans chaque main, surgit de la pièce montée. Dijonté, je mets le feu sur le contenu du jerrycan. J'ai la lame, les ondes sont détournées comme American Airlines. La nuit, la journée, baisse la PJ, fonce dès. Je décolle les pieds collés au sol, mes rêves sont paraplégiques. Certains appellent ça le sommeil, d'autres appellent ça la mort. Coupé de grenade entre les chicots, fils roupi, t'inquiète, les agents veillent. Y'a que devant le tréau qu'on s'accroupit. C'est un putain de tir groupé, les MC au groupie, personne sera loupé. Certains appellent ça le sommeil, d'autres appellent ça la mort. Coupé de grenade entre les chicots, fils roupi, t'inquiète, les agents veillent. Y'a que devant le tréau qu'on s'accroupit. C'est un putain de tir groupé, les MC au groupie, personne sera loupé. Certains appellent ça le sommeil, d'autres appellent ça la mort. Coupé de grenade entre les chicots, fils roupi, t'inquiète, les agents veillent. Y'a que devant le tréau qu'on s'accroupit. C'est un putain de tir groupé, les MC au groupie, personne sera loupé. Certains appellent ça le sommeil. Fils roupi, t'inquiète, les agents veillent. C'est un putain de tir groupé, les MC au groupie, personne sera loupé.